génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour toutes, voilà donc il est 13h30, voilà le retour comme tous les vendredis après-midi, voici donc le retour. Voici donc eh bien, l'émission tout simplement de 13h30 jusqu'à 17h avec l'émission Souvenir comme tous les vendredis après-midi. Voilà donc avec bien sûr les chansons des années 1900 jusqu'en 1960, tout simplement toutes les chansons qu'on a pu entendre. Donc eh bien les revoici. Voilà avec bien sûr toutes sortes de chansons, après il y aura l'accordéon et puis ainsi les quelques morceaux portugais. Mais avant, je vous laisse avec tout simplement, elle s'appelle Edith Piaf, et puis suivie de Catherine Vanante. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes. Quelle Avani, Avani et Framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle Avani, Avani et Framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer, excepté ce qu'on ne peut pas. Quelle Avani, Avani et Framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage. Avantage, davantage. Lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité. Arc-en-ciel. Donc, eh bien, voici donc Edith Piaf, et puis juste après, Lucienne de Lille. Il pleut, les pépins tristes qu'on panure, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, comme dirigé par un appel, les oiseaux désertent le ciel, nuages et loups. Les fenêtres, une larme à l'œil, semblent toutes porter le deuil. La ville n'a plus d'harmonie, solitaire les rues s'ennuient. Il pleut. J'écoute quand s'écoute la pluie qui me dégoûte sur les chemins, les routes et partout alentour. Les gouttes qui s'en foutent ne savent pas sans doute que mon cœur en déroute a perdu son âme. Les pépins tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, la nature est chargée d'ennui, là-haut tout est vêtu de gris, le ciel est boudeur. Le nez aplati au corps, j'attends laissant couler le flot de mes pleurs. Il pleut dans mon cœur. Comme dans la rue et sur mes peines sans issue. Il pleut sur Londres, des ombres se fondent dans les rues qui s'estompent au loin, et mon cœur se souvient. Il pleut sur Londres, des amours sans nombre vont éclore dans les pays de la nuit, et mon cœur est bien loin d'ici. Un soir à Pigalle, souviens-toi, tout le bonheur du monde était là. Un petit cabaret pour nous deux, une avale, c'est l'amour dans tes yeux. Il pleut sur Londres, je rêve dans l'ombre, nos baisers se mêlent au ciel gris, et moi mon cœur est à Paris. Toi,

au cours morne des heures, dans ma triste demeure, ces pétales, mes fleurs, comme des souvenirs. Écris-moi quelques lignes à peine, loin de toi j'ai tant de peine, qu'un mot me consolera. Écoute-moi sans haine, même si ta lettre est vaine. Écris-moi, ne m'abandonne pas, qu'il est lourd le silence de ces nuits où je pense à ta chère présence, au doux son de ta voix. Lorsqu'après tant d'ivresse, de bonheur, de tendresse, tout mon cœur en détresse ne sait plus rien de toi. Je ne peux plus attendre, sans savoir et sans comprendre. Écris-moi, ne m'abandonne se sont arrêtés sur la place du village. Ils viennent de s'installer et défont leur cordage et nourrissent les bêtes sauvages. Ils faisaient répéter le bois, les chiens et les singes savants. La petite fille de 4 ans s'est cassée le bras, mais fait son numéro gentiment. Parmi eux, n'était un petit gars de 16 ans, avec des yeux brillants et l'air nonchalant. Un soir, le gars s'est dit, il faut aimer. Alors, il est parti et l'a trouvé. Et c'est au bord de la rivière qu'ils se sont embrassés. La lune brillait, le ciel souriait et la nuit s'écoulait. Et les heures passaient et l'aurore pointait et le temps du boulot arrivait et les bêtes à nourrir. Pour ne pas mourir, il fallait courir. Et lorsqu'il est arrivé sur l'emplacement, les roulottes avaient fui. Sans argent, 16 ans. Alors tous les jours, il a cherché sans rien trouver. Il a téléphoné au village d'à côté, mais on n'avait rien vu. Inconnu, inconnu. Et les roulottes roulent jour et nuit comme l'amour. Ça va bien, ça c'est bon. C'est le moment d'allumer les lampions. Les boutiques, les bureaux sont fermés. On a bien le droit de s'amuser. Allez, marque dans la rue, y a de la joie. On se dit vous, on se dit tu, toi et moi. On s'écrase gentiment les doigts de pied et on s'en va sans se retourner. La vie tout à coup nous fait les yeux doux. On est un peu fou. On est amoureux et c'est merveilleux de faire sa provision de ciel bleu. Allez hop, la vie nous tend les bras. Elle est là, prenons-la, gardons-la. Et jetons par-dessus les moulins tous nos soucis jusqu'à demain. Allez hop, ça va bien, ça c'est chouette. Le soleil est aussi de la fête. Même s'il pleut, je suis sûre qu'il est là. Je le vois briller entre vos bras. Allez hop, les soucis au vestiaire. Y'a plus de place pour les grinches sur terre. Tiens, regardez le monsieur qui sourit. Y'a de la joie qui des fenêtres au balcon volent ma chanson comme un papillon. Quoi, y'a pas de raison que les amoureux soient les seuls à pouvoir être heureux. Allez hop, ça va bien, ça c'est bon. Y'a de la joie et mon cœur fait les bombes. Car c'est l'heure maintenant d'oublier tous nos soucis et de chanter. Allez hop, allez hop, voilà ma chanson. Arcance. Voilà, après Annie Cordy, voici donc quelques chansons portugaises. Tu és el cor, el meu desig, un sueño contigo. But first, can you please get me a loosey? What you wanna do when we coming through wild? You know these other cats, they ain't silent. Voilà, donc après cette chanson, une nouvelle chanson de Natalia, et son titre s'appelle « Bouteille de la mer ». Voilà donc la nouveauté, tout simplement. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. La bouteille à la mer revient toujours à terre. Celui qui l'a lancé n'a cessé d'espérer. Un jour ou des années, ses rêves sont enfermés dans cet objet en verre qui dérive solitaire. Traverser des tempêtes, continuer toujours en espérant peut-être revoir la terre un jour. Tant de bateaux croisés, tant de pièges évités, survivre, ne pas sombrer dans cette immensité. Se brise la bouteille, l'emporte avec elle, ses rêves et ses espoirs, un immense trou de bois. Traverse les tempêtes, continue toujours. Donc rassurez-vous, on l'écoutera dans d'autres émissions différentes. Voilà donc, je vous laisse avec Anna. Oh, tout ça, le titre s'appelle tout simplement avec Anna Karina, chanson d'Anneja. Et puis juste après, Bourville. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. Jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de Baptiste. Je déteste quand on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le dos. Moi, je dis toujours oui quand on me dit viens chérie, qu'avec les garçons faut jamais faire de façon. Je suis très cruelle, mais je gagne en enrage parce que je suis je vis avec mes blancs moutons. Bé, bé. Mais c'est en bas dans la campagne que j'ai rencontré Jeanneton. Bé, bé. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé. Quand je lui dis « Vous êtes belle », c'est en riant qu'elle répond « Belle, belle ». Et là-haut, quand je suis loin d'elle, je pleure avec mes blancs moutons « Belle, belle, belle ». Mais un beau jour, quoi qu'elle dise, je mettrai le voile à son front. Bé, bé. Et quand nous serons à l'église, c'est mes moutons qui chanteront. Bé, bé. Au cœur du monde, par la poudre et le canon, en comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long, sous le fer et la mitraille, des milliers se coucheront, et le soir de la bataille, des milliers se compteront. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout au long, et l'espoir est tout au fond, et les cris sont des millions. Nous irons vers la victoire par le sang des compagnons qui ont fait marcher l'histoire en mourant pour le jour le plus long. Le jour est long, le jour est long, et la peur est tout

l'essentiel. Je lui sens ton visage au profil angélique, où brillent mille feux, ton regard qui m'affole. Je lui chante tes cheveux aux reflets magnifiques, qui font sur ton front si pur comme une auréole. Je lui chante ton sourire quand vive et la Joconde, le galbe de tes seins, la rondeur de tes hanches. Pour t'avoir tout à moi, je changerai le monde. Si tu m'aimais enfin, ça serait ma revanche. J'ai choisi une étoile pour lui parler de toi, pour lui dire les mots que je n'ose te dire. J'ai si peur, mon amour, que tu puisses en sourire et te moquer. Tes mains aux attaches si fines qu'effleurant une harpe on se les imagine. Je lui chante ta grâce que n'ont pas les princesses, la minceur de ton corps, ton profil de déesse. Je lui chante ta voix si pure que l'on croirait entendre un chant d'oiseau au creux d'une forêt, qui viendrait se mêler au murmure d'un ruisseau serpentant lentement au milieu des roseaux. J'ai choisi une étoile pour lui parler de toi, pour lui dire les mots que je n'ose te dire. J'ai si peur, mon amour, que tu puisses en sourire et te moquer. Ma peur et ma désespérance, si tu n'avais pour moi que de l'indifférence. Mais je ne veux pas croire qu'un si puissant amour ne puisse à tout jamais être payé de retour. J'ai choisi une étoile pour lui parler de toi. J'ai si peur, mon amour, que tu puisses en sourire et te moquer de moi. Oui, j'ai si peur, mon amour, que tu puisses en sourire et te moquer de moi. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc Georges Brassens, et puis juste après lui, ce sera Henri Gara. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente? Quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet, bien souvent, on a toujours peu ou prou les bacs criblés de trous.

dans le programme de notre cours. J'avais, mesdames, un seul amour, la Pompadour. Oh, cette femme, c'était une femme, je lui dois mes premiers rêves d'amour. Voici donc Marie Joëlle, tout simplement. J'ai du clocher, je veux vibrer de leur joie, je veux que chacun croie que je suis au moins aussi gaie que la mariée. On ne pensait pas me voir assister au mariage de mon fiancé. On ne pensait pas me voir m'amuser au banquet qu'offre la femme de l'homme qui m'a quittée. Je veux rire, je veux rire, je veux chanter comme chantent dans le ciel les cloches du clocher. Je veux vibrer de leur joie, je veux que chacun croie que je suis au moins aussi gaie que la mariée. Il jouait en partant le bourreau de son propre amour, me jurant qu'il m'aimait et qu'il ne m'oublierait jamais. 6 mois de désespoir, de regret lui ont suffi pour se payer une fortune affublée ce jour en mariée. Je veux rire, je veux rire, je veux chanter comme chantent dans le ciel les cloches du clocher. Je veux vibrer de leur joie, je veux que chacun croie que je suis au moins aussi gaie que la mariée. Avant de venir, je crois que j'ai dû un peu boire. Il fallait bien maquiller mes idées noires. Maintenant, je suis prête à danser avec un cavalier, même au besoin de choisir le mari de la mariée. Je veux rire, je veux rire, je veux chanter comme chantent dans le ciel les cloches du clocher. Je veux vibrer de leur joie, je veux chacun croit que je suis au moins aussi gaie que la mariée. Je veux rire, je veux rire, je veux chanter comme chantent dans ma tête les mots qu'il me disait. Je veux rire, je veux rire, je veux chanter puisque c'est moi. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc Lynn Renaud et puis juste après Joséphine Baker. Paris, ce matin, s'éclaire soudain le soleil. Elle a pour ça. Tous les marronniers se sont rhabillés. Le printemps est là pour ça. Le long des boulevards, on flâne au hasard. Le dimanche est là pour ça. Tout semble être en fête. Les femmes sont bien faites. Leur guêpière est là pour ça. Chaque homme se sent le cœur frémissant devant ses beaux yeux qui se promènent. Le moindre passant se prend pour Don Juan, pour peu qu'une jupe l'entraîne. D'abord il la suit et puis il lui dit tous les mots qu'on dit pour ça. Ça rend quelquefois ou bien ça ne rend pas, faut pas vous vexer pour ça. Mais si tout va bien, prenez-lui la main, votre main est là pour ça. afin de la distraire, dites-lui quelques vers. Lamartine l'est fit pour ça. Jouez le grand jeu, mentez tant que ça peut, tous les hommes sont forts pour ça. Et pour la guichet, emmenez-la guincher, elles sont toutes d'accord pour ça. Et dans les flonflons de l'accordéon, le même désir vous enlève. Sa lèvre est si près que sans le faire exprès, elle vient se poser sur vos lèvres. Quand on perd la tête, un soir aux musettes, bien souvent, on ne perd pas que ça. Mais tout s'arrangera sans mal ni tracas, car l'amour est là pour ça. Oui, l'amour. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vivre, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanquiki, sa tanquiki, sa tanquinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pieu, oh pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchurie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanquiki, sa tanquiki, sa tanquinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime. Mon paternel, qui n'avait pas les pieds plats, m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Et m'a dit, pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. Mon naturel, moi, c'est d'être obéissant. J'ai suivi ses conseils, mon métier, je l'ai dans le sang. Et ma vie, c'est la vie des artistes, en piste, tout le temps. Un enfant de la balle, ça fait ses mâles. Et ça se trimballe partout, n'importe où. Un soir, Rome, le lendemain, à Calcutta. J'ai pas le temps, croyez-moi, d'admirer le panorama. Je gambille le samedi, le dimanche. Les planches, c'est ça. Il nous arrive tout de même qu'une fille nous dit je t'aime. Mais lâche ta vie de bohème. Tant pis, tant pis, je lui dis, je lui dis. Mon paternel, qui n'avait pas les pieds plats, m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Il m'a dit, pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. C'est bon l'amour, mais le boulot quand on l'oublie, le public n'entend pas que l'on soit sorti du lit. Des fois que j'attraperai devant la rampe, une crampe, merci. Un enfant de la balle, ça fait ses mal. Et ça se trimballe partout, n'importe où. Des fois, bien sûr, j'ai envie de laisser ça là, d'arrêter l'horizon pour y bâtir ma maison. Mais voilà, quand on fait trop de rêves, on crève de ça. balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, n'importe où. Et quand viendra un beau jour le grand départ, pour très loin, dans un coin où s'arrête le dernier quart, je dirai j'ai rempli mon programme. Monsieur dame, bonsoir. Monsieur dame, bonsoir. Monsieur dame, bonsoir. Arc-en-ciel. Retour avec les chansons portugaises et puis juste après André Rieu. Meus braços, eu Arc-en-ciel. Sinon, qu'elle s'appelle Lise Gottis, et puis juste après, elle écoutera Maria Cantilo. Je m'embarquerai, si tu le veux, comme un gai marin quittant la grève, sur les flots dorés de tes cheveux. Un paradis fleuri du rêve. Ta jupe flottante au vent du soir gonflera ses plis comme des voiles, et quand sur la mer il fera noir, tes beaux yeux seront mes deux étoiles. banal de la grande lune. J'aurais ton ruban pour pavillon et ta blanche peau pour clair de lune. Sont faits et nos boissons pour durer autant que le voyage. Ce sont des baisers et des chansons dont nous briserons tout l'équipage. Nous aborderons là-bas, tout là-bas, sur une grève du beau pays bleu, sous un ciel fou, dans un paradis fleuri du ta chanson de l'été dans le bleu du ciel irlandais. Tu n'avais que 16 ans, moi j'étais encore une enfant, et la nuit qui venait nous avait pris pour des amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, le vent. Voici donc, eh bien, Fernandel, et puis juste après, Redaker. V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne,

Paris, que fais-tu, Madeleine? Et que fais-tu, mon amour, loin de moi? N'oublie pas nos serments, nos adieux déchirants, et je ne vivrai jamais sans toi. Et que fais-tu, Madeleine, à Paris? Dans mon cœur, j'ai si peur, méfie-toi. Pour l'amour, c'est un vrai paradis. À Paris, que fais-tu, Madeleine? D'autres te feront la cour des jolies, trop jolies. Toi, si jeune et sans détour, connais-tu la vie? À Paris, que fais-tu, Madeleine? Écris-moi, mon amour, je t'en prie. J'ai si mal de penser qu'on pourrait t'embrasser et t'enlever à moi, mamie. Et que fais-tu, Madeleine, à Paris? Je voudrais que tu vois mon chagrin, car vois-tu, je suis sûr que demain tu serais dans mes bras, Madeleine. Que fais-tu, Madeleine, à Paris? Si tu m'aimes, reviens, mon amour. Je saurai t'adorer pour toujours. Reviens vite, reviens, Madeleine. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Arc-en-ciel. Buonanotte, amore, ti rivedrò nei miei sogni. Buonanotte a te, che sei lontana. Buona nuit, mon amour, je te vois dans mes rêves. Bonne nuit à toi, tu es si loin de moi. Voici donc, ils sont deux, donc en duo avec Arlitis et Georges Ulmer. Viens, viens, Madeleine, sur ma petite reine. Ceux qui pédalent ensemble. Oui, oui, oui, viens, viens, Madeleine. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mon jupon dans la chaîne. Accroche-le là, sous des bras. Pour un athlète, la bicyclette, c'est beau quand on s'entend. Si toi tu cales, moi je pédale. Oui, seulement quand ça descend. Oh, viens. Viens, Madeleine, tu vois sans peine, nous dépassons, ma fille. Ce vieux Madeleine Bastille. Oh, viens, viens, Madeleine, reste avec moi. Ne t'envole pas quand je freine, on tourne par là. Je tends le doigt, vire la sirène, voici Vincennes. Stop, on est arrivé. Mais le ciel ronfle. Vite, je regonfle. Ramasse le déjeuner. Oh, viens, viens, viens, viens, viens, ma petite Madeleine. Le

Parce que tu ris, c'est bête, tu ris, c'est bête, tu ris, c'est bête. De mes petites amourettes, mon bouquet de lilas. Vois les bourgeons qui s'éveillent, vont becquer du soleil. Dépêchons-nous, mamie. Vite, les moments de joie sont les plus courts, je crois, des moments de la vie. Oublions-la nos ennuis, laissons-la nos soucis et entrons dans la danse. Viens, je t'emmène faire un tour du côté de mes amours, c'est la vie qui commence. Viens, prends un air de fête, un air de fête, un air de fête. Du sol plein la tête, aujourd'hui c'est gala. Parce que tu ris, c'est bête, tu ris, c'est bête, tu ris, c'est bête. De mes petites amourettes, mon bouquet de lilas. Quand le soleil a brillé, les oiseaux ont chanté, l'amour est en goguette. Gardons au fond de nos yeux cet amour merveilleux qui met nos cœurs en fête. Nous aurons des souvenirs pour les jours à venir, malgré le temps qui passe. Qu'importe les chagrins des anciens lendemains, notre amour les efface. Allez, ne fais plus la tête, ne fais plus la tête, ne fais plus la tête. Nos cœurs sont à la fête, c'est un vrai carnaval. Ris plus mes amourettes, mes amourettes, mes amourettes. Nos cœurs sont à la fête, quand l'amour mène le bal. Voici donc Yves Montand. Viens casser la graine et voir un petit coup. Viens, y'a pas de gêne, on est entre nous. On va se gondoler quand le chef d'atelier fera son discours. Y'a la grande Léa qui a une jolie voix dans plaisir d'amour. Et si les voisins galotent au charron, on leur répondra des yeux du balcon. Où y'a de la joie, on a bien le droit de faire les fous. Hey, montez chez nous, c'est la fête à l'heure. Et si les voisins gueulent au charron, on leur répondra du balcon. Où il y a de la joie, on a bien le droit de faire les fous. Hey, montez chez nous, c'est la fête à l'heure. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Thank you. sourire, ça vous soulève et vous donne frisson. Il vous entraîne dans un gai tourbillon. On sent le bonheur qui vous prend par la main pour vous chanter ses plus joyeux refrains. Parce que c'est bon d'entendre l'accordéon. Il y a de la cadence pour toutes les danses. On a le cœur tout gonflé de chansons quand on entend un air d'accordéon. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-ciel. Voici donc Kylian en bras et puis juste après Roberta. Chansons des eaux, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson. Au temps béni des premières saisons, mais j'ai les années. Dans la montagne, cours dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs de ma tendre enfance, de tous les beaux jours à jamais enfuis. Et comme les bergers des montagnes de France chantent la nostalgie de mon beau pays. J'ai cru au baiser de l'amour, j'ai cru à ses tendres serments. Il est parti pourtant un jour sur les chemins. Je vais chantant, laissez-moi mon amour, vous qui me l'avez pris, laissez-le moi, laissez-moi mon amour, il est toute ma vie, toute ma joie. C'était des jours de bonheur, les fleurs et les mers le chantaient. Le monde était dans mon cœur, les filles riaient. C'était beau comme le jour, c'était beau comme un rêve, si merveilleux. Laissez-moi mon amour et mes rêves, plein de ses yeux. rencontrer un autre amour. Comme il a dit dans les romans, il est si pur, mon grand amour, que je demande en m'endormant. Laissez-moi mon amour, mon Dieu, je vous en prie. Laissez-le-moi, laissez-moi mon amour. Il est toute ma vie, toute ma joie. Laissez-moi mon amour et ses rêves d'enfant que je chéris. Laissez-moi mon amour longtemps, longtemps, longtemps, tout à la vie. Robert Ripa, et puis juste après lui, ce sera Charles Aznavour. En écoutant un vieux trombone jouer gaiement ce Charleston, la môme Kiki a retrouvé le bon vieux temps, son cœur d'enfant et ses 20 ans, la môme Kiki. Des perles au cou, des diams partout et des bijoux maintenant au clou. C'était Kiki qui se pavanait en hispano et qui tenait les gigolos à sa merci. Paris la nuit, un coup de folie, tu te baladais au paradis, la môme Kiki. En ce temps-là, elle ne buvait que du porto et du whisky, la môme Kiki. Elle qui ce soir, dans ce bistrot, ne peut s'offrir qu'un petit vin chaud, la môme Kiki. Mais la radio, qui n'a pas de cœur, au fil des heures joue sans répit l'air de Kiki. Et la voilà qui s'abandonne en fredonnant ce Charleston qui lui redit: Paris la nuit, un coup de folie, tu te baladais au paradis, la môme Kiki. Quand tout à coup, sur ses gambettes, elle danse au pas de la musiquette, la môme Kiki. Chacun lui dit, t'as pas vieilli, tu es toujours la plus jolie de tout Paris. Alors Kiki, les yeux perdus, qui a trop bu de souvenirs presque endormis, tourne sans fin sur les beaux jours, tourne sans fin sur les amours de toute sa vie. Paris la nuit, un coup de folie, tu te baladais au paradis, la môme Kiki. La la la la, la la la la, la la la la la la la la. Pleure pas, Kiki, allons. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Georges Guidry, on écoutera tout à l'heure, plutôt Charles Aznavour. La chanson du soleil, après la nuit qui s'enfuit, c'est enfin le réveil. Pour se griser de ciel bleu, l'oiseau quitte son nid et dans un hymne joyeux tout fredonne avec lui. La chanson

Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je veux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'homme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de rêve, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi, mes souliers en préfèrent les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Arc-en-ciel. Voici donc un art barrière, tout simplement. J'irai cueillir pour toi des bouquets de muguet. Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai, j'irai cueillir pour toi le plus bel arc-en-ciel. Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil. Cathy, si tu croyais au moins en ma folie. Cathy, j'allumerai les grands feux de ta vie. Cathy, si tu croyais au moins en notre amour, j'allumerai pour toi de grands feux tout le jour. Pourquoi t'appelais-je Cathy, toi que ce jour-là je vis dans ta belle robe d'organdi. Pourquoi, mais pourquoi depuis je te plais, Cathy. Je graverai pour toi mes plus jolis sonnets. Cathy, si tu m'aimais au joli mois de mai, j'irai écrire là-haut notre amour dans le ciel. Cathy, si tu m'aimais au mois du grand soleil. Cathy, si tu croyais au moins en ma folie. Cathy, j'allumerai les grands feux de ta vie. Cathy, si tu croyais au moins en notre amour, j'allumerai pour toi de grands feux tout le jour. Cathy, Cathy, si tu m'aimais, si tu m'aimais, si tu m'aimais, si tu m'aimais. Voici donc Gilbert Bécou. Je suis toujours là. Oh Lélé, oh là là, je suis toujours prêt pour la bamboula. Je fais rigoler les filles en les embrassant partout. Je

dirait quoi? Son petit ici, petit ici. Voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit petit petit petit. Savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit. Vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. Voici donc après Dalida, voici donc Françoise Hardy, et puis juste après Claude François. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Joie et plein d'ennuis.

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Vous écoutez Radio Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchais sans but au long de l'ennui, moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Nicoletta, voici donc eh ben, Nancy Holloway et puis suivi de Richard Anthony. T'en vas pas comme ça. T'en vas pas comme ça, en ignorant mon existence. Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter, car il n'y a rien de vrai dans ce que l'on t'a dit. Je t'en supplie, va pas comme ça. Tu étais pour moi le seul amour, le seul au monde. Pour toujours je t'ai juré fidélité, je ne t'ai jamais trahi. Un seul jour de ma vie, je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. pas comme ça. T'en vas pas comme ça. Car je sais bien que tu m'aimeras à la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. La bamba. Voici tout simplement Trini Lopez et juste après Johnny Hallyday. Bye.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Voici la musique d'accordéon et ainsi que vous pouvez la retrouver dès dimanche à partir de 13h30. En plein soleil et entre amis, en quelques heures vit-il bronze, en un quart d'heure moi je rougis. Ouh la paloma blanca, c'est un bien joli sur. chanson que tous mes amis au soleil fredonnent pendant que je suis sous un parasol. Elle sera mon porte-bonheur. Una paloma blanca, c'est un bien joli surnom. Una paloma blanca, je l'ai trouvé ma chanson, je l'entends déjà battre avec ton cœur. Toujours elle sera mon porte-bonheur. Voilà donc, il est 16h42 et cette musique d'accordéon qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc eh bien, dès dimanche à partir de 12h30 et aussi pour l'émission juste après de l'accordéon. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec tout simplement l'émission avec style de musique différente pour vous faire plaisir. Voilà donc pour nous, on va se retrouver dimanche, voilà. Et puis d'ici quelques minutes, eh bien vous allez retrouver Manuel pour entre 19h jusqu'à 19h, voilà. Et puis juste après, vous allez retrouver une autre émission différente. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Sophie, mon oiseau de beau temps qui un jour est parti, mon bouquet de sourires, tu vas me refleurir après longtemps de moi, après longtemps de froid. Et nous irons tout comme autrefois dans le petit bois où, rappelle-toi, la mousse avait fait sous nos corps apaisés un même lit de soie. Et nous irons tout comme autrefois dans le petit bois où, rappelle-toi, l'amour était passé par là. ma petite, mon amie, oh, ma tendre Sophie, ma Bible des couchants, mon soleil de minuit, ma source de soupirs, impossible à tarir, déjà mes mains se creusent pour mieux te recueillir. Adieu les morts veillées où je ne veillais pas, adieu les nuits glacées où je ne dormais pas, où mes mains se tendaient mais ne rencontraient pas la douceur de ta peau, la chaleur de tes bras. Et j'allais seul dans le petit bois rechercher l'amour mais ne le trouvais pas. La neige faisait pour mieux me le cacher un tapis de froid. Et j'allais seul dans le petit bois rechercher l'amour mais ne le trouvais pas. L'hiver était passé par là. Ma petite, mon amie, oh, ma tendre Sophie, mon chapelet d'amour et mon calvaire d'ennui, ma liqueur des beaux jours et mon poison de vie, la mousse dans le bois nous a fait un bon lit. Viens, nous irons tout comme autrefois dans ce petit bois où, rappelle-toi, la mousse avait fait sous nos corps apaisés un même lit de soie. Viens, nous irons tout comme autrefois dans ce petit bois, je ne te mens pas, l'amour repassera par là. Viens, nous irons tout comme autrefois dans ce petit bois, je ne te mens pas, l'amour repassera par là. Rue Montorgueil, ou du côté d'Argenteuil, elle chante dans le métro, elle me sourit mais pas trop. Elle a un petit amoureux qui fait du rap en banlieue. Le samedi soir il l'emmène dans un concert de NTM. C'est pas la javanaise, à Gainsbourg en déplaise, c'est une fille de Paris. C'est pas la polonaise à Chopin dans les plaines, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Arlésienne, on la voit sur la scène, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Alsacienne de la fête foraine, c'est une fille de Paris. Elle travaille au magasin, au quartier latin, on l'appelle Mazarine. Martine ou bien Vanessa, c'est pas la môme à Ferra. Même si les garçons pour elle ont le béguin au bout des doigts. C'est pas la javanaise à Gainsbourg en déplaise, c'est une fille de Paris. C'est pas la polonaise à Chopin en déplaise, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Arlésienne, on la voit sur la scène, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Alsacienne de la fête foraine, c'est une fille de Paris. Chopin dans les plaines, c'est une fille de Paris. C'est pas la javanaise à Gainsbourg dans les plaines, c'est une fille de Paris. Elle travaille au magasin, elle rêve dans les magazines, elle crèche au quartier latin, on l'appelle Mazarine. Martine ou bien Vanessa, c'est pas la si les garçons pour elle ont le béguin au bout des doigts. C'est pas la javanaise à Gainsbourg dans les plaines, c'est une fille de Paris. C'est pas la polonaise à Chopin dans les plaines, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Arlésienne, on la voit sur la scène, c'est une fille de Paris. Ce n'est pas l'Alsacienne, c'est une fille de Paris. C'est pas la javanaise à Gainsbourg, n'en déplaise, c'est une fille de Paris.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans.